يقول السائل: ما رأيكم في الكتب التالية؟ الظلال لسيد قطب، كتب الشوكاني، كتب حسن البنا، هذه الكتب. الجواب: أسأل الله تعالى أن أوفق في الإجابة على هذه الأسئلة صعبة. ما هي سهلة؟ ليست بسهلة. السبب: لأن بعد هذه الكتب صار لها صيت في صفوف شبابنا، هناك دعاية مبللة بالنسبة لها بعض هذه الكتب. الكتاب الأول الظلال، كتاب الظلال لسيد قطب، تفسير ليس تفسيرا أثريا ولا تفسيرا لغويا، ولكنه إنشاء وخلط وخبط بين آراء الأشاعرة وآراء وحدة الوجود وآراء المتصوفة. خذوها هكذا صريحة. الكتاب أحيلكم على قراءة تفسير أقصر سورة أو من أقصر السور في القرآن. اقرأوا ما كتبه سيد قطب في سورة الإخلاص. أما صغار الطلبة فسوف لا يخرجون بأي نتيجة قطعا، لأنه كتب بأسلوب ابن عربي الطائي رئيس وحدة الوجود، تحدث عن الوحدانية، لم يتحدث عن الوحدانية في الإسلام، لكنه تحدث عن الوحدانية عند وحدة الوجود. لذلك يقول سيد قطب: إن الوجود الحقيقي هو وجود الله وحده، والفعالية الحقيقية هي فعالية الله وحده. لو سألت الطالب الصغير الذي يكلف في هذه الأيام بقراءة هذا التفسير في بعض المدارس ويوزعون في المكتبات الموزعة في بعض المساجد، ماذا يستفيد الطالب عندما يقول الوحدة الحقيقية وحدة الرب سبحانه وتعالى، والفاعلية الحقيقية فاعلية الله؟ ما معنى هذا الكلام؟ لو أردنا أن نفسر بالعربية، باللغة العربية لا بلغة ابن عربي الطائي، يريد أن يقول إن الوجود الحقيقي هو وجود الله وحده. وهذا يحتمل احتمالين: إما أن يريد أن وجود غير الله وجود مجازي، وجود جميع المخلوقات ليس وجودا حقيقيا لكنه وجود مجازي، كلام باطل، أو يريد الوحدة الحقيقية وحدة الله، أي إنه اتحد مع الكون كله، لا وحدانية إلا وحدانيته، لا وجود إلا وجوده. هذا مذهب ابن عربي الذي يقول الرب عبد والعبد رب، ليت شعري من المكلف. ابن عربي الطائي الذي يقول ليس في الجبة إلا الله، إن كان يريد هذا كفر بواح، لأنه جعل الله رب العالمين متحدا مع خلقه وادعى أن لا وجود إلا وجود واحد، في هذا الكون وجود واحد، الاثنينية في الكون. نفي الاثنينية معناه إن الرب والعبد شيء واحد. وعلى دين ابن عربي يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. ويعبر عن هذا المعنى شاعرهم ابن الفارض فيقول: لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي سلتي. يسلي لنفسه هو، لأن الله فيه اتحد معه نفس سيد قدر. في تفسير سورة الإخلاص يحمل هذا المعنى: إن خففنا وحملنا على احتمال آخر، وهو احتمال أن وجود غير الله وجود مجازي، وأن فعل غير الله فعل مجازي، وأن الفاعل الحقيقي هو الله وحده، يكون هذا تعبير عن العقيدة الجبرية، لأن العبد ليس بفاعل حقيقة، الفاعل هو الله. هذه العقيدة التي عليها الأشاعرة، وكونه أشعري لا نزاع فيه. سيد قطب كونه أشعريا لو كان حيا وسمع من يقول له أشعري يفرح ولا يحزن، لأن الأشاعرة يعتزون بأشعريتهم، أي ليست بذيلة. من قال في سيد قطب وأمثاله إنهم أشاعرة لم يغصبهم ولم يذكرهم إلا بما هو الواقع، وإلا بما يحبون، يحبون ويعتزون بذلك. إذن تفسير أشعري، وفيه كما قلت خفق وخفق بين الأشعرية والصوفية والطريقة وحدة الوجود. اقرأ سورة الإخلاص وسورة الحديث، تفسير سورة الإخلاص وتفسير سورة الحديث. بناء على هذا ننصح صغار الطلبة بعدم النظر في هذا التفسير، كما ننصح كبار الطلبة بالاطلاع على هذا التفسير ومعرفة ما فيه من الشر، لينصحوا لصغار الطلبة الدين النصيحة. Ceci est une question qui fut posée à Cheikh Mohamed Aman Ben Ali Al-Jami rahimahullah au sujet des livres de Sayyid Qutb, Hassan al-Banna et Al-Imam al-Shawkani. Le questionneur demande: quel est votre avis vis-à-vis de ces livres, Al-Zilal, les ombres de Sayyid Qutb, les livres de Shawkani et les livres de Hassan al-Banna? La réponse de Cheikh Mohamed Aman Ben Ali Al-Jami rahimahullah: j'implore Allah pour qu'il m'accorde le succès dans la réponse à ces questions. Ce sont des questions difficiles, elles ne sont pas aisées, elles ne sont pas faciles. Et pour cause, c'est que certains de ces livres avaient marqué un certain succès auprès de nos jeunes, et qu'il y a une propagande d'égarement pour certains de ces livres. Le premier livre, Al-Zilal de Sayyid Qutb, c'est une exégèse qui n'est pas une exégèse athari. Note du traducteur: le terme al-athar renvoie à ce qui concerne les compagnons, as-sahaba, leurs successeurs, at-tabi'in, les successeurs des successeurs, tabi'u at-tabi'in, et ainsi de suite. Donc, lorsque le cheikh dit c'est une exégèse, tafsir, qui n'est pas athari, cela signifie qu'elle ne repose pas sur les paroles des salafs. Fin de cette note. Le cheikh disait ce n'est pas une exégèse athari, laysa tafsiran athariyan, ce n'est pas une exégèse athari ni linguistique, c'est-à-dire basé sur la connaissance de la langue arabe comme clé d'interprétation, mais c'est plutôt de la composition, du mélange et du tâtonnement entre les avis des Ash'arites, ceux de Wahdat al-Wujud l'unité de l'existence et ceux des soufis. Tenez la chose ainsi en toute franchise. Pour ce livre, je vous renvoie pour lire son explication de l'une des sourates les plus courtes dans Al-Qur'an. Lisez ce que Sayyid Khutb avait écrit pour la sourate de Al-Ikhlas. Néanmoins, les apprenants débutants vont sortir bredouilles, car il écrit à la manière du style de Ibn Arabi At-Ta'i, le chef de Wahdat al-Wujud, l'unité de l'existence. Il parlait de l'unicité, mais il n'avait pas traité de l'unicité en islam. Note du traducteur, c'est-à-dire qu'il ne parle pas du monothéisme At-Tawhid. Fin de cette note. Le cheikh disait, il n'avait pas traité de l'unicité en islam, mais plutôt de l'unicité chez les gens de Wahdat al-Wujud. C'est pourquoi Sayyid Qutb dit, la véritable existence est celle d'Allah seul, et l'action véritable est l'action d'Allah seul. يقول Sayyid Qutb, إن الوجود الحقيقي هو وجود الله وحده والفاعلية الحقيقية هي فاعلية الله وحده. Si tu demandes à un apprenant débutant qui est chargé ces jours-ci de lire cette exégèse dans quelques écoles, et ces livres sont distribués dans des bibliothèques dépendant des mosquées, qu'est-ce que l'étudiant profite quand il dit l'unité véritable est celle du Seigneur subhanahu wa ta'ala et que l'action véritable est l'action d'Allah? Que signifie cette parole? Si nous voulons expliquer selon la langue arabe, non pas selon la langue de Ibn Arabi al-Ta'i, nous dirons qu'il veut dire que la véritable existence est celle d'Allah seul, et cela reçoit l'une de deux acceptions probables. Soit qu'il veut que l'existence de ce qui n'est pas Allah serait une existence métaphorique, wujud majazi, que l'existence de toutes les créatures ne serait pas une existence véritable, mais plutôt une existence métaphorique, c'est une parole fausse, kalam batil. Soit qu'il veut que l'unité véritable est l'unité d'Allah, entendant qu'Allah se serait uni avec l'univers entier. Il n'est d'unicité que la sienne, il n'est d'existence que la sienne. Ceci est la voix de Ibn Arabi, qui dit, le serviteur est un seigneur, et le seigneur un serviteur. Je jure par ma poésie et demande, lequel est chargé? Note du traducteur, non seulement Ibn Arabi inverse les rôles, mais il prétend qu'Allah se serait uni avec la créature, au point qu'on ne distingue lequel doit accomplir des œuvres et des charges d'adoration. العبد رب والرب عبد فليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك نقص وإن قلت رب فأنا يكلف. Fin de cette note. Cheikh Jami rahimahullah poursuit. Ibn Arabi qui disait qu'il n'est dans Al-Jubba, dans le vêtement qu'il portait, un habit d'homme répandu dans certaines régions arabes tels que l'Irak et l'Égypte, etc. Il disait qu'il n'est dans Al-Jubba qu'Allah. Alors, si Sayyid Khutb voulait ce sens, c'est une mécréance explicite, kufr bawah, car cela signifie rendre Allah, le Seigneur de l'univers, uni avec ses créatures, et prétendre qu'il n'est d'existence qu'une seule, qu'il n'y a qu'une seule existence dans cet univers, non pas une dualité. Nier la dualité revient à dire que le Seigneur et le serviteur sont une seule chose. Et pour le dire selon le jargon de la religion de Ibn Arabi, et que le chien et le cochon ne sont que notre divinité, et qu'Allah n'est qu'un prêtre dans une église, وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَهُنَا وما الله إلا راهب في كنيستي. Et leur poète Ibn al-Farid exprime cela comme suit. Allah mes prières, salawati, dont al-maqam je les accomplis, et j'y atteste que c'est elle qui avait prié pour m'adorer. Laha salawati bil-maqam uqimuha, wa ashhadu fiha annaha li salati. Car il prétend qu'Allah est venu s'unir à lui. Le souffle de Sayyid Qutb, dans son explication de la sourate Al-Ikhlas, porte ce sens. Et si nous minimisons et que nous faisons prévaloir l'autre sens, à savoir que l'existence de ce qui n'est pas Allah est une existence simplement métaphorique, et que l'acte de ce qui n'est pas Allah est un acte simplement métaphorique, alors que l'acteur réel est Allah seul. Cela confine à la croyance de Al-Jabriya, comme quoi le serviteur n'est pas un sujet réel, mais le sujet véritable n'est que Allah. C'est cette aqida, croyance, qui est celle des Ash'arites. Que Sayyid Qutb était un Ash'arite, cela ne fait pas l'objet d'un litige. S'il était vivant, et que quelqu'un l'appelle d'Ash'arit, il se serait réjoui et ne se serait pas attristé, car les Ash'arit se vantent de leur Ash'ariya. Ceci n'est pas une médisance. Celui qui dirait de Sayyid Qutb et de ses pères qu'ils sont des Ash'arit, il n'aurait pas médit sur eux. Il ne les qualifie que selon ce qu'ils sont en réalité et de ce qu'ils aiment entendre. Ils se réjouissent et se vantent de cela. Donc, c'est une exégèse Ash'arite et qui contient, comme j'ai dit, du tâtonnement et de l'amalgame entre les croyances Ash'arite, soufis et la voie de l'unité de l'existence, Wahdatul Wujud. Lis l'exégèse de la sourate de l'Ikhlas ainsi que celle de la sourate Al-Hadid, cela suffirait. En vertu de tout cela, nous conseillons aux apprenants débutants de ne pas regarder dans cette exégèse, comme nous conseillons aux tullab al-ilm anciens de la consulter et de connaître ce qu'elle contient de mal afin de conseiller au premier, car certes la religion c'est du conseil, ad-din al-nasiha. Note du traducteur. Nous résumons ce que le Cheikh répondit au sujet des livres de Ash-Shawkani et puis de ceux de Hassan al-Banna. S'agissant de Shawkani, il dit que c'est un autre genre de livre, puisqu'il s'agit d'un, je cite, imam, alim, usuli, lughawi, muhaddith, faqih. Il était, rahimahullah, Zaydi au début, puis il quitta cette secte pour embrasser la croyance des salafs et leur minhaj. Et il fit ce qu'il put, rahimahullah. Il restait chez lui quelques rares interprétations des textes des attributs d'Allah à la manière de Al-Mufawwida. Mais grosso modo, c'est un grand savant des livres duquel il convient de puiser et de profiter. Et pour ce qui est de Hassan al-Banna, Cheikh Jami, rahimahullah, dit qu'il ne lui connaît pas des livres scientifiques. Il n'a que des livres de politique, où il parle de son mouvement, de sa secte, de son parti, Hizbul Ikhwan. Il voulut concurrencer les autres partis politiques. Alors il rassembla un mélange de soufis et d'ash'ari. Et finalement, le Cheikh avertit qu'il ne convient pas de citer Ash-Shawkani rahimallah côte à côte de ces gens, Al-Banna et Qutb. Fin de cette note. La référence de cette réponse est une conférence donnée par Cheikh Al-Jami rahimallah intitulée Asbab al-Ijaba, les causes de l'exaucement. Wallahu ta'ala a'lam.